Ah, bonjour, monsieur Mblavla. Entrez. Non, non, je vous en prie, entrez. Je vous ai fait venir parce qu'il y a un petit problème avec vos enfants. Alors, ils ont, vous savez, nous avons débloqué quelques budgets. Ils ont réussi à faire un album de chansons. Et ils ont intitulé ça Sachant dire non. Alors, moi, j'aime beaucoup le rap, j'aime beaucoup vos musiques de chez vous, mais je trouve que le titre est un peu agressif. Hein, il aurait mieux fallu dire ensemble, de main dans la main, soyons égaux, soyons dans l'amour des personnes. Hein. Non, mais j'ai écouté, moi je trouve c'est bien, parce qu'il y a des problèmes. Écoutez, il y a des problèmes, bien sûr, il y a des problèmes, il y a toujours eu des problèmes, mais nous sommes des parents et nous devons leur dire, les jeunes, calmez-vous, gardez votre sang-froid, là c'est un petit peu n'importe quoi. Vous devez obéir à la justice, vous devez obéir à l'école, vous devez obéir à la police, hein? Vous devez obéir à ce système qui vous veut du bien, qui... Non, mais le système, il faut pas, je crois qu'eux ne veulent plus obéir, parce que vraiment, le système, non, non, je crois qu'ils doivent désobéir maintenant. Ah, c'est la vérité. Non, vous ne pouvez pas dire ça, vous êtes un père de famille. Si ces enfants désobéissent au système, ils vont aller en prison. Hein? Ils seront arrêtés, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas, vous êtes dans un système, vous êtes toléré dans ce pays, vous n'êtes pas vous-même une personne blanche. Vous avez, on vous a accueilli, on vous a donné une éducation, on vous a tout transmis un savoir que vous n'aviez pas, vous viviez à même le sol avant de nous connaître. Vous n'avez pas le droit de dire ce genre de choses. Moi, je vous entends, mais tu vois. Non, je crois qu'ils vont aller jusqu'au bout, parce que là, j'ai même entendu, là, ils ont un gars là qui va être président. Mais si, il va se présenter à l'élection, Mbalambala, je connais. Je connaissais bien son village. Mais je crois que les gens là sont motivés. Hein. Écoutez, que Blablabla se présente à l'élection, c'est une chose. Au contraire, nous sommes en démocratie, il faut que les gens s'intéressent au vote. Et tout. Mais de là à ce que vous, par votre attitude... Excusez-moi de vous parler comme ça, monsieur Mamboula. Par votre attitude responsable, aujourd'hui, vous êtes en train de semer le désordre. Ce disque, sachant dire non, est en train de semer le désordre dans des esprits de délinquants. Parce que ce sont des délinquants, vos enfants, quand ils font ce genre de choses. Non. Et toi, est-ce que tu es un peu délinquant? Mais tu es grand délinquant. C'est vrai. Tu as volé. Ton pays a volé. On nous a volé déjà depuis longtemps. Maintenant, les enfants, ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont vu. On a fait confiance. On a dit, on va s'intégrer. Mais peut-être même 400 ans après, on est intégré dans quoi? Dans la misère, oui. Ah non. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes intégré dans la misère. Vous voyez, vous me faites chialer. Parce que moi, j'aime les Africains. J'ai une statue africaine. Je vais vous le dire, j'ai une statue africaine. Je ne devrais pas vous le dire. J'ai une statue africaine dans mon garage.